Place de la Toile, le magazine hebdomadaire des cultures numériques, des nouvelles technologies et de leurs usages. Deux sujets aujourd'hui. Comment Wikipédia peut-elle aller plus vite que l'AFP avec Christophe Henner? Puis l'art d'être libre au temps des automates, une discussion avec Luis de Miranda. Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, à la fin de la Place de la Toile, on se quittait avec Thierry Crouzet qui vient d'entamer une expérience de déconnexion censée durer plusieurs mois. Une des choses que veut évaluer Thierry Crouzet, c'est son niveau de dépendance à l'Internet et donc d'évaluer sa propre liberté. Dans une dizaine de minutes, on va poursuivre cette discussion, mais sur un tout autre plan et avec un tout autre invité, Luis de Miranda. Bonjour. Bonjour. Vous êtes romancier et philosophe, éditeur aussi. Vous avez mené une enquête philosophique en vous posant une question qui est à la fois très métaphysique et très contemporaine et très ancrée dans nos pratiques. Comment être libre dans un monde d'ordinateurs et de machines? Mais non content de vous poser cette question, vous avez tenté d'y répondre et vous proposez une réponse totale, disons, à cette question-là. On en discutera ensemble dans une dizaine de minutes, mais d'ici là, parlons un peu de Wikipédia. Bonjour Christophe Henner, vous êtes avec nous au téléphone théoriquement. Est-ce que vous m'entendez, oui. Christophe Henner? Oui. Vous êtes membre du conseil d'administration de Wikimedia France. Wikimedia France est une association qui assure la promotion des projets de Wikimedia, projets parmi lesquels on compte évidemment Wikipédia, la célèbre encyclopédie collaborative en ligne. Alors je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui pour répondre à une question qui est extrêmement simple, mais qui se pose presque tous les jours et ne manque pas de susciter même chez nous les journalistes, ou je dirais même peut-être particulièrement chez nous les journalistes, un sentiment où se mêlent l'admiration et l'inquiétude. Alors Christophe Henner, je vais poser ma question simplement puisqu'elle est simple. Comment se fait-il que lorsqu'une dépêche AFP, par exemple, hein, annonce un événement, prenons le décès d'une personnalité, on s'aperçoit, si l'on regarde la fiche de la personne sur Wikipédia immédiatement, que la date du décès y est déjà inscrite. Alors, il ne s'agit pas ici de dire que Wikipédia relève de la divination, évidemment, mais plutôt de comprendre comment cela peut-il aller aussi vite, Christophe Henner. En fait, c'est assez simple. C'est déjà le processus même de création des articles qui est ouvert à tout le monde, qui fait tomber les barrières de validation, qui permet justement d'aller beaucoup plus vite. Et surtout, il y a un fonctionnement qui n'est pas fait pour dépasser l'actualité, mais qui est fait pour relayer des informations qui sont encyclopédiques, donc notamment la mort d'une personne, c'est éminemment encyclopédique. Et du coup, dès que c'est abordé dans un autre média, nous, on va le relayer, on va le référencer, on va le sourcer. Et l'AFP arrive en second temps, souvent en relais d'une source qu'il a déjà annoncée. Et est-ce que vous avez idée de ces gens qui sont à l'affût de la production de l'information au point d'être au courant avant l'apparition d'une dépêche, Christophe Henner? Alors en fait, non, il n'y a pas de profil spécifique. Enfin, c'est comme Wikipédia est ouvert à tout le monde participe, c'est des profils qui sont très différents. Et ce n'est pas des personnes qui vont être à l'affût de la petite nouveauté qui va, l'actualité qui va être rajoutée à un article. C'est plutôt des gens qui vont être intéressés sur un sujet, qui vont être très très intéressés sur un sujet, qui vont avoir des sources qui vont être beaucoup moins généralistes justement que l'AFP, qui vont être des sources de niche presque. D'accord. Et qui vont avoir l'information très très tôt. Et donc on est plutôt dans une approche où le contributeur va avoir une forte expertise et donc des sources très très très précises et va du coup avoir l'information tôt. Donc ils vont, enfin j'imagine que c'est sur cela. Alors même encore une fois, vous nous expliquez que vous le savez pas forcément puisque ces contributeurs vous les connaissez pas. Enfin, vous en connaissez sans doute peut-être certains d'entre eux, mais que donc ça va être, je sais pas, Twitter ou des sites d'information liés. Je pense au cinéma avec la mort de Sidney Lumet par exemple. Donc des sites, des informations très spécifiques et qui peuvent venir directement presque. J'ai pas de la source, mais au moins du pays d'où ça vient ou ce type de choses. Tout à fait. Un des exemples qui est quand même assez frappant sur ce genre de choses, c'est les événements qui ont eu au Japon, donc début mars, où très très vite les informations sont remontées sur Wikipédia, donc soit en français ou en anglais, notamment grâce aux informations qui étaient publiées directement au Japon. Et c'était des gens qui sont soit francophones, soit anglophones, qui sont au Japon, qui avaient accès à cette source d'informations sur place et qui l'a publiée. On n'avait pas ce problème de traduction, ce problème de décalage horaire, puis il y avait des personnes sur place qui permettaient d'améliorer de les contenus sur ce sujet-là. C'est vrai que quand on regarde la liste des modifications sur la page des événements au Japon, on s'aperçoit qu'effectivement les provenances sont souvent Tokyo directement. Voilà. Et alors là où c'est encore plus intéressant, c'est qu'aujourd'hui il y a plus de 1700 modifications en même pas un mois, ce qui est assez impressionnant. Et surtout, on a entre le moment où le séisme s'est produit et le moment où ça a été sur Wikipédia, il y a très peu de temps qui s'est écoulé. Et surtout, à partir du moment où l'article a commencé à contenir des informations très précises, notamment sur la magnitude de l'événement, sur des informations sur la géolocalisation du lieu, et après sur des références même très précises sur les organismes d'études sismiques qui sont directement relayés dans l'article, parce que l'information n'est pas été les contributeurs ne sont pas allés la chercher justement sur les sites d'information, mais sur les sites justement d'experts, de scientifiques D'accord. qui sont spécialisés dans ces événements-là. Et Christophe Henner, juste, vous avez dit au tout début de votre réponse qu'il n'y avait pas de processus de validation comme dans une parution universitaire ou une encyclopédie évidemment écrite. Mais alors, juste expliquez-nous rapidement, pour ceux qui connaissent mal le fonctionnement de Wikipédia, comment ça se passe. Donc, quelqu'un, je ne sais pas, apprend la mort de Sidney Lumet, donc voilà. Va sur la page de Sidney Lumet. Est-ce que cette personne a besoin d'être connue et référencée par Wikipédia pour inscrire, par exemple, la date de décès ? Pas du tout. Alors, en fait, le principe de Wikipédia, c'est justement que le processus de validation vient a posteriori et se fait par les pairs. En fait, c'est un peu comme sur une revue scientifique où c'est les pairs qui évaluent, sauf qu'ils évaluent a priori de la publication de l'article. Nous, on est dans le sens inverse. C'est-à-dire que la personne publie l'article, tous les autres contributeurs ont la possibilité de voir ce qui a été édité, on a des outils pour ça, et de voir si l'information ajoutée est pertinente. Une des grandes règles de Wikipédia aujourd'hui, c'est l'ajout de sources et de références à une information. C'est-à-dire qu'une information qui est ajoutée brute décoffrage sans aucune autre source, sans aucune référence, a de grandes chances soit de se faire retirer, soit justement de se faire apposer une petite note disant « là, il faut une source ». D'accord. Et tout le travail de contribution va être justement de vérification de l'information et de rajouter des références pour que les internautes, après, justement, quand ils voient que telle personne est morte à telle date, il puisse voir que l'information ne tombe pas du ciel, mais vient justement d'une autre source d'information qui l'a attestée. D'accord. Et parmi le processus donc, qui consiste à pouvoir voir les modifications qui sont apportées par une page, donc il y a des gens qui sont des personnes référentes, qui se chargent elles-mêmes de vérifier les modifications qui sont faites au fur et à mesure. Mais il y a aussi des automates qui le font. Alors déjà, même sur le côté humain, c'est absolument tout le monde qui peut le faire, même une personne qui ne contribue que très peu ou pas du tout peut vérifier ce qui est fait. Donc c'est vraiment un processus qui est hautement collaboratif, dans le sens où n'importe quelle personne peut avoir ce rôle de vérification des contenus. Et nous, en plus, sur ça, on a il y a des modifications qui sont flagrantes. C'est flagrant que c'est pour but de nuire, ou en tout cas pour détériorer les articles. Là, on a des systèmes automatiques qui, justement, vont annuler les modifications. Mais donc, ce qui est très intéressant dans tout ça, pour finir, Christophe Henner, c'est que ça fait de Wikipédia à la fois une encyclopédie et à la fois presque quelque chose qui relèverait du genre du journalisme, quoi, du suivi de l'actualité quasiment en temps réel. Alors, à la différence que le journaliste, normalement, apporte un point de vue, une synthèse, un retravail sur l'actualité, une mise en profondeur, alors que Wikipédia est vraiment sur le modèle d'encyclopédie, c'est-à-dire qu'on rapporte les faits, uniquement des faits, et on va surtout pas avoir une analyse partisane d'un événement. C'est-à-dire que si on prend les événements qui sont produits au Japon, on va à aucun moment avoir un parti pris, ou même normalement devoir ressentir un parti pris par rapport justement au nucléaire ou à ce genre de choses. C'est uniquement les faits qui vont être relatés. Et ça, le but est tout simple, c'est justement que l'internaute, quand il lit l'article, puisse se faire son opinion, il puisse aller voir les sources qui étayent l'article et qui sont là pour l'aider à mieux comprendre le sujet et à se faire sa propre opinion. Et est-ce que sur des informations comme ça, très très brûlantes, mises en ligne très peu de temps après la survenue d'événements, est-ce que vous avez eu des petits problèmes qui sont apparus régulièrement ou pas, ou assez rarement, je sais pas, des gens annoncés morts et qu'ils n'étaient pas, ce type de choses ? C'est arrivé quelques fois, on en a tout le temps quelques-uns qui se passent. C'est généralement très très rapidement modifié et corrigé. Il y en a quelques-uns qui restent. C'est arrivé l'an dernier ou l'année d'avant sur des personnes connues, mais ça reste anecdotique par rapport au nombre d'articles Aujourd'hui, au nombre de modifications et à la masse d'informations qu'il y a, c'est quelque chose qui est relativement anecdotique et qui n'est pas anormal pardon, dans tout ce qui est information, puisqu'on le voit dans la presse. C'est également la même chose, même dans des livres de référence, il est courant souvent de trouver des petites erreurs, des détails. Et c'est pareil sur Wikipédia, l'erreur est là, puisque l'erreur est humaine et que c'est des humains qui font l'encyclopédie. Merci beaucoup, Christophe Henner, de nous avoir éclairé sur cette question de la rapidité de Wikipédia. J'espère que ceux qui s'en inquiètent ou s'en étonnent verront bien comment ça fonctionne. Louise Damiranda. Oui, simplement sur Wikipédia, je voudrais raconter un événement extraordinaire qui m'est arrivé. Un jour à 9h du matin, je lis sur Wikipédia, sur ma fiche, que je suis un génie. Et presque en temps réel, simultanément, une minute après, je découvre que je suis un somnambule qui modifie son portrait la nuit et qui ajoute des choses étranges. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était pas vous qui aviez dit que vous étiez un génie. C'est très mystérieux. Et donc vous avez été accusé d'avoir dit que vous étiez un génie alors que vous ne l'avez pas fait. Voilà. Et alors depuis, chaque jour, je consulte Wikipédia pour savoir qui je suis. Et alors, ça vous apprend quelque chose sur vous? Pas grand-chose. Je suis assez banal et j'aimerais qu'il m'arrive des choses plus palpitantes chaque jour. Alors... Je passe mes journées devant Wikipédia. Bon, merci beaucoup Christophe Henner et puis Louise Miranda. On se retrouve dans quelques secondes. De l'argent, cette connerie nous affaiblit. Ton temps c'est ta durée de vie et Dieu nous a fait libres. Tout va trop vite, là où la mort se profile, où Babylone prend la tête avec ses histoires de profit, où les cœurs sont trop vides, il y pousse des gros frères, la haine est trop vive et les médias considérés comme prophètes. À vouloir trop faire, on a zappé l'essentiel, des mensonges on nous a offert et devine qui s'en sert. Où ça a pris la conjoncture, ça vénère l'économie, où il y a peu d'êtres humains parmi les êtres économiques, où ça construit sa propre prison par sécurité. Kenny Arcana, l'extraordinaire rappeuse marseillaise. Pour ouvrir cette discussion, le morceau s'appelle Ils ont peur de la liberté. Louise de Miranda, parce que nous allons parler de liberté ensemble, vous êtes écrivain, romancier, je le disais, vous êtes aussi éditeur chez Max Milo et vous êtes l'auteur, entre autres, d'un livre paru il y a à peu près un an, livre à côté duquel on était passé ici, à Place de la Toile. Donc, erreur de notre part que nous allons réparer immédiatement. Alors, à l'occasion de la parution d'un autre livre qui s'intitule « Qui a tué le poète ?», livre que vous proposez sur papier, mais aussi avec une application développée par OVNI qui crée une sorte de livre augmenté. On aura sans doute l'occasion d'en dire quelques mots. Mais ce qui nous occupera principalement aujourd'hui, c'est donc ce livre paru l'an dernier, dont j'ai donné le titre, très beau titre à cette émission, en tout cas la partie qui vous concerne, « L'art d'être libre au temps des automates », parce que vous tentez, ce que vous tentez, c'est une réflexion philosophique sur les nouvelles technologies, on pourrait le dire comme ça, mais aussi ce qui est plus ambitieux encore, une sorte de traité des conditions de la liberté à l'ère des technologies, c'est-à-dire maintenant. Vous examinez, vous proposez des réponses à des questions qui sont aussi communes et partagées que doit-on avoir peur des nouvelles technologies? Quelles sont les nouvelles limites de notre corps? Faut-il rêver à une vie en symbiose avec les machines? Y a-t-il de la politique dans les ordinateurs? Ce que vous tentez, c'est de penser des grandes catégories philosophiques, la connaissance de nous-mêmes, le corps, le pouvoir, à l'ère des technologies numériques, ce qui forcément nous intéresse beaucoup. Ici, à Place de la Toile. Alors, avant qu'on en vienne à ces questions et aux réponses que vous proposez, qu'est-ce qui amène un auteur et philosophe à la formation plutôt classique comme la vôtre à s'intéresser aux nouvelles technologies, à s'y intéresser au point d'y consacrer du temps et du texte? Parce qu'il y a ce livre, mais il y avait un roman qui avait précédé, Paris d'Aïsa, qui était déjà plongé dans ces problématiques. Qu'est-ce qui vous a amené là, Louise de Miranda? Je dirais que c'est tout simplement mon époque, hein, bien sûr, puisque aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, on est amené à être immergé, on est des cyborgs. D'ailleurs, c'est ce que je pose dans mon livre. Je me suis dit, bon, c'est bien joli de se clamer libre, de poser ça comme une sorte d'impératif ou de méthode Coué, ou de pensée magique, mais prenons plutôt le postulat inverse. Nous sommes des cyborgs, nous sommes des automates, admettons-le. Qu'est-ce qui... au fin fond de ce déterminisme, fait que malgré tout, nous pouvons revendiquer, appliquer en acte une certaine liberté. Et c'est presque par hasard que je constate que Internet m'intéresse d'une manière active, puisque déjà, je tombais l'autre jour, non pas sur Wikipédia, mais dans mes archives, sur un article de Télérama, qui me rappelait qu'en 98, j'avais lancé une revue qui s'appelait EMU, E-MU, et qui est déjà reposé sur le fait que c'était même un système assez inversé par rapport à ce qu'on a vu par la suite. C'est-à-dire la revue proposait des ébauches d'articles dont on trouvait l'augmentation sur Internet. Et ça, c'était déjà en 98. Donc je pense que tout simplement, je suis fils de mon époque. Je constate tous les jours, comme tout le monde, l'addiction. Vous-même, vous en êtes victime de cette addiction ? Je pense que c'est relatif, mais il ne se passe pas un jour sans que j'aille effectivement... Donc j'utilise Internet. Donc, vous téléphonez aussi, au moins une fois par jour. Je téléphone. C'est pour ça que je dis que le point de départ, c'est qu'on est des cyborgs, au sens où on est, il n'y a pas des hommes et à côté une technique. C'est-à-dire nous sommes des animaux techniques, nous sommes des animaux cybernétiques qui, dès que nous utilisons des objets, devenons un couple homme-objet, mais pas seulement. Et c'est tout ce que j'ai essayé d'explorer dans mon livre. Mais expliquez, commençons par ça. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être un couple homme-objet ? Alors d'abord, est-ce que cette idée du couple homme-objet a précédé les technologies numériques ? Ou est-ce qu'il y a une différence, simplement de degré, entre être un couple homme-marteau, un couple homme-téléphone, un couple homme-ordinateur, où il y a vraiment une différence de nature entre ces différents rapports à l'objet, Louise de Miranda ? Alors, à première vue, on pourrait répondre qu'il y a simplement une différence de degré. Mais ce que j'essaye d'expliquer dans mon livre, c'est qu'il y a aussi une différence de nature dans la mesure où tout se passe comme si les instruments qui jadis nous servaient à mesurer le monde et à finalement inscrire une lecture sur le monde devenaient aujourd'hui le propre monde dans lequel on habite. Exemple de ça. Exemple de ça, tout simplement, le langage binaire numérique est un langage qui aujourd'hui s'applique, ne serait-ce que par exemple, au quadrillage des forêts. On pense qu'une forêt est un endroit naturel, sauvage. En fait, une forêt est extrêmement délimitée, chaque arbre est à une certaine distance des autres, etc. Et aujourd'hui, finalement, on ne va même plus presque, je dirais, en forêt pour constater ça. La carte a vraiment remplacé le territoire. Donc, il me semble qu'il ne faut, pas oublier qu'on a toujours été effectivement un couple technique. Donc, ça c'est une histoire. Le numérisme, ce que je dis dans mon livre, est une histoire très, très vieille, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement que le monde, pour devenir social, doit forcément être ordonné, a priori. Et qu'on a tendance à confondre, au fur et à mesure, de par nos habitudes de perception, cette ordination avec la nature même des choses. Et la deuxième chose, c'est que malgré tout, le langage numérique est, avec l'ADN, le seul langage qui a une vocation universelle. Et donc là, on voit bien que, alors que tout ne peut pas devenir en acier, tout peut devenir numérique. Donc oui. On voit bien qu'il y a la possibilité de passer un degré de nature différent où finalement on peut même envisager, et c'est un des scénarios que j'explore dans mon livre, que le langage numérique à la limite n'ait même plus vocation à être une représentation du monde, mais qu'il finisse par se débarrasser même du référent et qu'il soit à lui-même sa propre représentation. Ça veut dire qu'on aurait là possiblement, pour prendre des accents un peu nietzschéens, une sorte de revanche sur la vie. Qu'est-ce une revanche sur la vie dans quel terme ? Une revanche sur le chaos, le sauvage, tout ce qui doit être, tout ce qui nous tire vers des choses que nous ne comprenons pas et qui, pour reprendre votre expression tout à l'heure, nous font peut-être peur. Pour en prendre un exemple très prosaïque, on a tous eu dans notre vie un moment d'exaspération au fait de devoir se raser tous les matins. D'ailleurs, moi, je le fais plus. En tout cas, on peut imaginer que ce déploiement excessif, on va dire totalisant, du langage numérique représente une revanche sur l'irrationnel, le désordre, et finalement tout ce qui fait ce que j'appelle la vie et que j'appelle moi le créel, c'est-à-dire le flux vital qui lui crée tous les possibles et qui ne cherche pas de cohérence. La cohérence est une activité humaine. Et c'est pour ça que dans mon livre, je dis, et on va développer probablement cette question, l'ordinateur, c'est nous. Est-ce que vous en voyez les signes de ça déjà, Louise de Miranda ? Ou est-ce que vous êtes dans une sorte de prospective quand vous dites non, ça ? Non, il me semble par exemple que la façon dont on passe énormément d'heures devant notre ordinateur, quand je dis on, c'était en générique, hein, c'est pas forcément vous et moi, à la recherche de l'âme sœur. C'est déjà une manière pour le langage numérique d'utiliser la chaleur humaine, l'espoir des choses impalpables, finalement, pour générer des flux financiers. En écologie, on parle de chaleur fatale. C'est un terme que j'ai découvert récemment. Ça signifie quoi ? La chaleur fatale, c'est la chaleur non efficace qui se dégage chaque fois que vous produisez une énergie. Et elle est toujours assez considérable. C'est-à-dire qu'en réalité, on n'utilise que 30 à 50% d'une énergie que l'on produit. Et la tendance, évidemment, du marché, de l'ordonnancement du monde selon des flux d'efficacité, c'est de récupérer au maximum cette chaleur fatale. Et c'est exactement, à mon avis, ce qui peut se passer avec l'être humain. C'est-à-dire que l'humain ne devient plus un être qui use de la technique, finalement, pour dégager du temps. Et donc pour dégager de la chaleur vivante, des échanges qui n'ont pas vocation à être utiles. Mais à l'inverse, c'est l'ordonnancement machinique qui va petit à petit utiliser les humains pour produire son propre flux et donc utiliser au maximum cette chaleur humaine et la considérer comme une chaleur fatale, c'est-à-dire comme quelque chose qu'il faut rendre à maxima utile. Donc quoi, le terme de ça, si on va jusqu'au bout, mais c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, on lisait un texte justement qui parlait de cette question de qu'est-ce qui se passera le jour où les robots sont plus intelligents que nous. Et la conclusion du texte était effectivement que peut-être qu'ils se passeront de nous. Oui, d'autant qu'ils n'ont pas là, ou alors ils seront plus intelligents au sens latin du mot intelligent, c'est-à-dire intelligere, relier ensemble. C'est-à-dire que ils sont meilleurs en production de connexions que nous, de connexions utiles. Et quand je dis utile, je dis ça avec, avec tout l'amour de l'inutile que l'on peut avoir. Ouais. Louise de Miranda, pourquoi est-ce que tout ça, c'est au fond la question de la liberté ? C'est quand même le titre de votre livre, L'art d'être libre au temps des automates. Pourquoi est-ce que c'est la question de la liberté qui se pose fondamentalement là-dedans ? Alors, c'est une réactivation de la question de la liberté et en même temps une redéfinition de la question de la liberté. Le XXe siècle a été, en quelque sorte, surtout dans sa deuxième moitié, le siècle du rejet de l'ordre. C'est-à-dire que, aussi bien politiquement que même scientifiquement, par exemple en physique, l'ordre a été un concept hautement dévalorisé. Et on s'aperçoit aujourd'hui qu'on a hérité, finalement, d'une notion de la liberté qui est une notion pauvre, une notion par défaut qui est une notion, finalement, liée au choix. C'est pour ça que je dis dans mon livre, d'ailleurs, le postmodernisme est la découverte par les masses de la faculté de choisir. Seulement, précisément, la liberté, ce n'est pas le choix. Et ça, Hegel le dit déjà, la liberté, c'est la décision. Depuis la Seconde Guerre mondiale, se mettent en place toute une série de protocoles pour réduire à maxima la perte du temps que l'on passe à traiter l'information. Ça, c'est l'invention d'ARPANET, puis d'Internet, etc. C'est vraiment, au départ, comme le dit l'un de ses fondateurs, Leak Leader, dès 1963, c'est réduire au maximum le temps finalement qu'on passe à consulter des archives, qui est un temps qui d'après lui peut être mécanisé, pour aboutir à un pur temps de décision. Et là, on voit bien qu'on est dans depuis le XVIIIe siècle finalement, dans une fiction déterministe qui consisterait à dire que finalement, et scientiste et réductionniste, avoir un maximum d'informations sur une donnée permet d'agir. Ça, c'est un peu le monde dans lequel on vit, le monde, on va dire, statistique dans lequel on vit. Or, évidemment, c'est la fameuse formule de Laplace, qui consiste à dire que si on avait une connaissance parfaite de tout ce qui est arrivé, de toutes les causes et les effets dans le passé... On pourrait prévoir ce qui arrivera. Voilà. Mais en fait, c'est évidemment, on voit bien que ça ne veut rien dire, ça veut juste dire si on savait tout, on saurait tout. Donc, la liberté, est, comme art, et le mot est tout aussi important... consiste à dire effectivement que finalement toute l'histoire d'humanité, moi j'y vois une dialectique entre le numérisme et ce que j'ai appelé le créalisme, c'est-à-dire une dialectique entre la nécessité d'ordonner les choses, de les nommer et de les ordonner, mais toujours la nécessité de s'écarter de manière régulière de ces structures-là qui finissent par nous figer de manière mortifère et par nous automatiser. Et il ne s'agit pas de dire, évidemment, que le numérisme, c'est mal et que le créalisme, c'est bien. Il s'agit de constater que c'est une dialectique qui est en place chez l'humain et que cette dialectique, aujourd'hui, du fait de la puissance toute nouvelle des instruments numérisants, qui aujourd'hui sont donc ceux de l'électronique binaire, du fait de cette toute-puissance récente, le créalisme est mis à mal. C'est-à-dire notre capacité à produire nos propres protocoles et à participer de manière active à nos agencements, nos habitudes, nos langages. Thibaut. Du coup, ceux qui peuvent s'affranchir de ça, de cette tendance au numérisme, là, ce sont ceux qui sont précisément dépositaires du code et du secret du code. Donc, qui sont les gens qui sont libres dans cet univers-là où le numérisme... Alors, idéalement... Louise de Miranda. Idéalement, il est évident que, et je le dis à la fin de mon livre... Il est assez urgent de développer une éducation au codage numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons que constater notre ignorance sur la matière. J'ai participé à des réunions de hackers qui m'ont humilié comme un cours de mathématiques. Au TMPA Lab de Vitry-sur-Seine, c'est ça hein. Voilà. Oui. Ils avaient fait une sorte d'événement au Palais de Tokyo. J'ai trouvé ça très beau, les lignes de code. Mais j'étais largué. J'espère que nos enfants ne seront pas aussi largués et que on prendra acte effectivement de cette nouvelle manière de quadriller l'espace et donc de cette nouvelle manière de construire notre nature et qu'on leur apprendra dès le plus jeune âge les rudiments de ce codage. Alors après ne limitons pas le monde au monde numérique. Hein. Il y a toute une série de protocoles qui ne sont pas aujourd'hui encore des protocoles numériques. Oui, et c'est ce que j'allais dire. Si la seule solution pour concilier créalisme et numérisme, c'est le code, on est un peu déboussolé. Quoi. Si c'est la seule façon d'être libre, c'est d'être capable de coder. La seule façon d'être libre, c'est effectivement de participer à un codage à plusieurs, mais ce codage n'est pas nécessairement électronique binaire. L'architecture est un codage, le langage que nous sommes en train de parler aujourd'hui est un codage, et on sait que par exemple la poésie cherche à le réinventer sans cesse, ou le, pourquoi pas le rap quand on l'a vu tout à l'heure. Et donc il y a autant de... C'est ce que Foucault appelait des discours en quelque sorte. Il y a un discours scientifique, c'est un codage, il y a un discours amoureux, c'est un codage, il y a un discours cinématographique, c'est un codage. Et moi, ce qui m'intéresse, et c'est ce que j'appelle effectivement la liberté, c'est comment recomposer ces codes, comment les déconstruire. Donc c'est le travail des hackers, mais là, il faut prendre le mot en termes plus général. Comment, effectivement, faire de la rétroconception par rapport à ces codages pour demain les recoder autrement, avec toujours en vue, finalement, la non-automatisation de l'humain. Je discutais avec une scénariste il y a une heure, et le cinéma, par exemple, est aussi une machine de codage. C'est aussi une machine qui nous dit comment on doit pleurer, à quel moment on doit pleurer, à quel moment on doit rire, à quel moment... Alors, on n'en a pas conscience, puisque souvent, l'effet d'un bon film, ça peut être aussi, finalement, de se sentir... appartenir à l'humanité et finalement de sentir qu'on a des choses en commun, des émotions, etc. Mais c'était à double tranchant, puisque ces émotions sont aussi le résultat d'un dressage. Et juste pour terminer, je voyais hier un documentaire sur Hiroshima et Nagasaki. C'est le réalisateur est parti aux États-Unis interroger des survivants qui témoignaient. C'était effectivement assez intense. Mais un témoignage m'a marqué plus particulièrement, c'est une dame qui pourtant a vu devant ses yeux mourir toute sa famille. Et elle racontait ça, non seulement sans pleurer, mais il y avait quelque chose qui semblait être de l'ordre du rire. J'ose même pas appeler ça un rire, mais c'était troublant. Et à ce moment-là, je me suis dit, cette femme est tellement dans un degré d'authenticité pure dans son émotion qu'elle a atteint peut-être quelque chose de l'ordre du rire cosmique par rapport à son, à sa détresse. Pour juste terminer peut-être sur cette question, en fait, finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut toujours interroger les formes et critiquer les structures. Mais en quoi l'ère du computer, comme vous préférez appeler l'ordinateur aujourd'hui, donne une nouvelle actualité à cette exigence critique qui, finalement, a toujours existé? C'est vrai. Alors, pourquoi ça donne une nouvelle actualité? Il me semblait quand même avoir répondu tout à l'heure. Dans la mesure où le langage binaire est extrêmement prégnant et extrêmement immersif et extrêmement contagieux. Et ça, par exemple, Leibniz s'en aperçoit dès la fin du XVIIe siècle, puisque on peut considérer presque que c'est un des pères du langage numérique binaire. Il est considéré comme ça. Voilà. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que il a été fasciné par les dessins qu'on lui envoyait de Chine, les dessins du Yi Qing, hein, donc les bâtons coupés ou allongés qui constituent les 64 hexagrammes du Yi Qing et qui est aussi un langage binaire. Et ce langage a perduré énormément, sauf que les Chinois l'utilisent de manière dialectique. C'est-à-dire que quand ils font des tirages, il arrive souvent, alors, des spécialistes pourront affiner ça, mais il arrive souvent qu'ils utilisent, par exemple, ils tirent trois signes. Donc un signe répond à l'autre et le troisième est une sorte de synthèse. Un peu. Ouais, alors que le langage informatique, lui, est binaire sans être dialectique. Voilà, c'est le langage du « ou ». C'est-à-dire que c'est soit le courant passe, soit le courant ne passe pas. Et donc, pourquoi ça me paraît aujourd'hui réactiver les choses de manière urgente, c'est que quand on a le codage du langage verbal, c'est pas évident. Il y a une équivocité, pour reprendre un terme de Merleau-Ponty désignant l'humain. Si je vous regarde dans les yeux et je fais un rictus impéronique et je dis « je vous aime », ça peut vouloir dire plusieurs choses. Le langage musical, il y a une équivocité aussi. Et jusqu'ici, les codes n'étaient pas parfaits. C'est-à-dire qu'il y avait justement, en tout cas dans les codes comme ça qu'on utilise socialement, il y avait une possibilité de confusion, c'est-à-dire d'être dans le « et », ou en tout cas dans l'hésitation entre le « et » et le « ou ». Aujourd'hui, avec le codage numérique, on est complètement dans la volonté d'éradiquer toute ambiguïté, et par ailleurs, dans une volonté de sursaturation. Mais Louise de Miranda, d'abord, juste une petite parenthèse pour dire que c'est un des aspects tout à fait passionnants dans votre livre, et pour le coup, moi, que j'ai totalement appris, qui est effectivement que Leibniz avait, au moment où il réfléchissait à cette question de la binarité, parce qu'on sait que, comme vous l'avez rappelé, Leibniz est à la base de cette question de la binarité, et que après, si on prolonge le fil, on arrive jusque à Turing, etc., et puis à l'informatique. Que donc, au moment où il pense ça, Leibniz, effectivement, est en communication par lettres avec des gens qui s'intéressent à la Chine, sont en Chine, et que du coup, il y a effectivement une sorte de jonction très étrange, enfin, que pour le coup, moi, je ne connaissais pas. C'est tout à fait passionnant. Que du coup, tout ce que vous dites est aussi très intéressant sur la question de l'alternative du « et du « ou », mais cette question-là aussi est intéressante, dans la mesure où... dans l'idée qu'un jour nous pourrions devenir totalement machine ou qu'on nous considère comme étant totalement machine ou qu'on devienne complètement numérisé, disons, complètement informatisé, bon, c'est impossible par le simple fait que justement il y a ce côté binaire, il empêche ce qui est essentiel et ce que vous expliquez, enfin ce qui est évident, c'est-à-dire que l'homme, c'est le ou plus le et, c'est l'ambiguïté, le mélange, etc. Et que du coup, c'est peut-être l'essence même du langage informatique qui fait que, certes, il est capable de représenter non seulement du langage, mais aussi de l'image, enfin le code représente tout et de plus en plus, bon voilà, mais il y a un moment où il achoppera sur le fait qu'il n'est pas ambigu. Il n'est pas de « et », il n'est pas... Donc c'est aussi la limite du code, c'est aussi ce qui fait sa puissance. Enfin, sa puissance, c'est aussi sa limite. Et du coup, la symbiose homme-machine qui nous est perpétuellement avancée comme une possibilité et donc comme une énorme peur dans ce rapport qu'on a aux technologies, finalement, elle n'est pas possible du simple fait du code. Bien sûr, et mon livre est plutôt optimiste sous ce rapport-là, et notamment effectivement le terme de symbiose qui désigne un déterminisme biologique me paraît pas du tout adapté. Seulement, le pire ennemi de l'homme, ce n'est pas la machine, c'est l'homme. C'est-à-dire que notre haine radicale et passagère, mais de tout ce que l'on ne comprend pas, a souvent entraîné dans l'histoire la volonté de le régler, l'ordonner de force. Et donc là, on rentre dans les passions. On rentre dans les passions humaines. On a tous eu un jour et même plusieurs jours, malheureusement, des moments où face à un autre humain, on ne comprenait pas du tout son comportement ou en son absence. Mmh. Même, par exemple, j'aime beaucoup, vous avez remarqué dans le livre, je cite beaucoup les rapports amoureux parce qu'ils sont toujours, finalement, de bonnes manières de décrypter le fonctionnement. Bon. Donc, face à cette, un peu cette rage que parfois nous pouvons laisser monter en nous, qui est que mais je ne comprends pas comment se comportent les autres, on va avoir tendance, pour peu qu'on ait un peu de pouvoir, pour peu qu'on maîtrise un peu les forces de production, à finalement à préférer que autrui soit ait un comportement prévisible, ne serait-ce que statistiquement. Et c'est ce qui est aujourd'hui en train de se passer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par nos comportements sur Internet, nos comportements d'achat, mais nos visites, bref, tout ce qui est traçable, des logiciels, des entreprises sont en train de fournir petit à petit à d'autres entreprises une cartographie des comportements humains qui tiendrait compte aussi des écarts types. Donc, c'est-à-dire que là, on entre dans une gouvernementalité statistique. Algorithmique. Ouais, la gouvernementalité algorithmique. Voilà. Ouais, donc on a malgré tout, voilà, malgré tout, mon livre reste optimiste puisque je crois au sursaut érotique au sens large de l'être humain. Ben, on va en parler dans quelques minutes, mais en attendant, la lecture de la semaine. La lecture de la semaine, il s'agit d'un texte de Norman Cousins, qui est professeur de médecine à UCLA, à l'université de Los Angeles. Texte qui a été initialement publié dans le journal Spring de UCLA. Et il s'intitule joliment « Le poète et l'ordinateur ». C'est directement en référence à vous, Louise de Miranda. Et j'ai traduit le texte dans sa quasi-intégralité. Un poète, disait Aristote, a l'avantage d'exprimer l'universel. Le technicien ou le spécialiste n'exprime que le particulier. Le poète, par ailleurs, a le pouvoir de nous rappeler que l'énergie de l'homme ne lui vient pas de sa force physique, mais de ses rêves. Le lieu où l'homme devrait être plutôt que celui où il se trouve, la sortie hors des perspectives étroites, l'annonce d'une immortalité possible grâce à l'art, tout cela procède naturellement des rêves. Mais la qualité des rêves d'un homme ne peut être qu'un reflet de son inconscient. Ce qu'il met dans son inconscient est donc littéralement la nourriture la plus importante de la vie. Rien n'arrive réellement à l'homme qui ne soit inscrit dans son inconscient. C'est là où les événements et les sentiments deviennent de la mémoire, là où sont stockées les preuves de vie. Le poète, et je parle ici de tous ceux qui ont du respect pour l'esprit humain et parlent à l'esprit humain, peut fournir à l'inconscient du matériel pour améliorer sa sensibilité. Il peut aider à la sauvegarde. Le poète peut aussi éviter à l'homme de se forger à l'image de ses merveilles électroniques. Le danger est moins que l'homme soit un jour contrôlé par les ordinateurs, qu'il ne se mette à les imiter. Il fut un temps dans l'histoire de la société où l'aptitude des gens à transmettre du sens était enrichie par la connaissance et l'accès au travail fourni par les créateurs des siècles antérieurs. Pas plus. Les conversations et les correspondances d'aujourd'hui, tout comme l'éducation, sont affaiblies par une focalisation sur ce qui est fonctionnel et purement contemporain. Le résultat est une mécanisation, pas seulement de la manière dont on vit, mais de la manière dont on pense, de l'esprit humain lui-même. Or, les problèmes fondamentaux de l'être humain à l'âge informatique restent les mêmes que ceux qu'ils ont toujours été. Le problème n'est pas seulement de savoir comment être plus productif, plus aisé, plus heureux. Il est aussi d'être plus sensible, plus raisonnable, plus mesuré, plus vivant. L'ordinateur permet à l'homme de faire un bond phénoménal en termes de compétences. Il abolit les barrières qui limitaient l'intelligence pratique et même théorique. Mais la question persiste et devient même plus urgente de savoir si l'ordinateur permet plus facilement ou plus difficilement à l'homme de savoir qui il est, d'identifier ses vrais problèmes, de mieux répondre à la beauté, d'attribuer la bonne valeur à la vie, de rendre son monde plus sûr. Le cerveau électronique peut réduire la profusion des impasses dans la recherche d'un sens à la vie. En revanche, il ne permet pas d'éliminer la folie et le fléau guettant une vie qui ne fait l'objet d'aucun examen. Il ne permet pas non plus de mettre un homme en relation avec ce à quoi il doit être relié, la possibilité d'un épanouissement créatif, la mémoire de la race ou les droits des générations à venir. Et la raison pour laquelle ces problèmes sont importants à l'âge informatique est qu'il y a une tendance à prendre les données pour de la sagesse, à confondre la logique avec les valeurs, l'intelligence avec la perspicacité. Un accès libre au fait peut apporter un bien illimité à la seule condition qu'il soit compensé par le désir et l'aptitude à comprendre ce que ces faits signifient et ce à quoi ils mènent. L'ordinateur peut donner un nombre juste, mais ce nombre peut n'avoir aucune pertinence avant que le jugement soit prononcé. Dans la mesure où l'homme échoue à faire la différence entre les opérations intermédiaires de l'intelligence électronique et les responsabilités ultimes de la décision humaine et de la conscience humaine, l'ordinateur pourrait cacher à l'homme le besoin qu'il a de se réconcilier avec lui-même. Cela pourrait encourager l'illusion que l'homme a de poser des questions fondamentales alors qu'il ne pose que des questions fonctionnelles. Cela pourrait être considéré comme un substitut de l'intelligence au lieu d'une extension. Cela pourrait promouvoir une confiance indue dans les réponses concrètes. Si l'on commence avec des certitudes, disait Bacon, on a toutes les chances de finir dans le doute. Mais si l'on commence par les doutes et qu'on est patient avec eux, on peut arriver à des certitudes. Alors sans ne rien enlever aux techniciens, il serait fructueux d'effectuer une sorte de jonction entre l'informaticien et le poète. L'idée serait de poser aux merveilles de l'imagination créatrice le type de problème que l'on pose à l'électronique et au transistor. La compagnie du poète peut permettre aux hommes de pousser les machines à élargir le spectre des possibles proposés par la technologie. Le poète ramène l'homme à son unicité. Il n'est pas nécessaire de posséder la définition ultime de cette unicité. Spéculer est déjà bien. Voici pour ce texte. Une seule remarque, c'est Clive Thompson, le journaliste de Wired, qui l'a mis en lien sur Twitter assez récemment. Sans doute pour une raison qui fait une grande partie de l'intérêt de ce texte, il date de 1989. Ça donne envie de le relire à l'aune de cette date très précoce et de son étonnante actualité. Vous pourrez le faire demain sur Internet Actu. Vous écoutez France Culture, Place de la Toile et Seigneur Coconut, un des hétéronymes de l'excellent musicien et producteur allemand Uwe Schmidt, qui fait d'habitude plutôt de la techno minimale et qui reprend là le célèbre morceau popularisé par la Boom Reality du musicien franco-britannique Richard Sanderson. De la toile avec Luis de Miranda, auteur notamment de L'art d'être libre au temps des automates, ce dont nous parlons depuis une trentaine plus de minutes. Vous vouliez dire quelque chose sur Seigneur Coconut ou sur le texte? Puisque poète, sur les deux, puisque poète vient du grec poiesis, qui signifie faire par soi-même, créer. Et il se trouve que j'ai joué ce morceau à une jeune femme. Pas plus tard que dimanche dernier, et depuis elle ne m'a pas rappelé. C'est bien la preuve qu'il vaut mieux créer ses propres œuvres plutôt que d'en reprendre. Bon, je vous souhaite un jour de créer quelque chose d'un aussi beau morceau que Reality, Luis de Miranda. Alors, bon, revenons à des choses plus. Quoique, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous ne cessez de mêler les questions amoureuses à ces questions numériques. Mais là, en venons à des questions peut-être plus graves, quoique. Est-ce qu'il y a plus grave que les questions amoureuses? Dans quelle mesure toutes les technologies nous obligent à repenser la question du pouvoir? Luis de Miranda. Et je pensais notamment, alors quelque chose encore une fois que j'ai appris dans votre livre, mais Thibaut Henton, lecteur assidu du Monde Diplomatique, m'a dit et m'a montré qu'effectivement il y avait déjà eu un article dans Monde Diplomatique sur cette question-là, peut-être là où vous avez trouvé la source, qui est une expérience qui a eu lieu dans le Chili de Salvador Allende, donc 71-72, une expérience très étonnante qui aurait été la, disons, si, peut-être s'il avait pu durer jusqu'au bout, une sorte d'expérience de socialisme numérique. Ce qui est intéressant parce que tout à coup, ça permettrait d'imaginer un pouvoir très numérisé, très informatisé, qui ne serait pas simplement un pouvoir complètement aliénant. Encore qu'on ne sait pas ce que ça aurait pu donner. Louise de Miranda, est-ce que vous pouvez dire quelques mots là-dessus ? Oui, donc on est en 1971, les derniers jours du gouvernement d'Allende, on va dire les dernières années, mais ils ne le savent pas. Et le ministre de l'économie fait appel à un Anglais, un spécialiste de la cybernétique, Stratford Beer, pour instaurer un management cybernétique de cet État qui est un État socialiste, c'est-à-dire donc un État où les grosses entreprises de production de biens, on va dire, de consommation assez fréquentes sont étatisées. Et nationalisées, oui. Nationalisées. Et donc, Stratford Beer, qui ressemblait un peu à un Orson Welles de l'informatique, avec une tendance à aimer le whisky et les bons cigares, a finalement installé le protocole Cyberfolk qui consistait à dire que finalement un État est comme un corps. Ça, c'est le principe de la cybernétique à l'origine. Et je veux dire, finalement, dans un corps, la tête n'est pas sans cesse en train de tout contrôler. La respiration, la digestion sont des choses qui se font indépendamment de la tête. Et donc, considérer l'État finalement comme un corps et donc considérer que le peuple, les travailleurs, l'ensemble du corps social peut lui-même régler certaines questions sans l'intervention d'une super administration. Malgré tout, il y avait une petite tendance Big Brother puisqu'il s'agissait d'installer dans le palais présidentiel une sorte de salle, et ça a été fait, hein, ça ressemble d'ailleurs, vous trouverez des photos sur internet, au décor d'un film de Kubrick, c'est très futuriste, et Stratford Beer avait prévu en chaque chaise de surveillance un cendrier pour les cigares et un emplacement pour le verre de whisky. Malgré tout, bon, c'est une expérience qui a été mise en place et qui a en fait s'est effondrée du fait évidemment de la fin du régime, voilà, de Salvador Allende. Et là, vous dites que les Pinochet s'est demandé quoi faire de cette salle, hein, qu'elle a finalement été détruite. Mais oui, ils se sont demandé s'ils pouvaient l'utiliser à des fins contraires, c'est-à-dire pour contrôler un pays. Et puis finalement, ils n'ont pas compris grand-chose. Et la salle a été, je ne sais pas si elle a été détruite, mais en tout cas, elle est devenue inutilisée. Mais tout ça pour dire quoi, voilà, au tout fond ça pour dire quoi. Tout ça pour dire, et là, je reviens en 1955 avec un mot qui est fascinant, c'est le mot ordinateur, dont on va parler juste 5 minutes quand même, puisque la France est un des uniques pays, ou en tout cas un des très rares pays, où le mot computer, qui vient du latin, qui signifie compter, puisque c'est ce que fait un ordinateur, il compte, il agence, il archive. La France est un des seuls pays où IBM, et ce qu'on appelle, je crois aujourd'hui encore, des terminologues, bien sûr, s'est demandé, bon, computer, on va changer ce mot, on va trouver un mot français. Et le responsable marketing et le terminologue d'IBM en 55 appelle son professeur de littérature à la Sorbonne, son ex-professeur de littérature. Et donc là, on voit le rapport entre le poète et l'informatique. Et vous dites, bon, est-ce qu'il n'y aurait pas un mot qui nous permettrait de dire... Et une semaine plus tard, le professeur revient, bon, j'ai trouvé un mot, alors on ne l'utilise plus trop, c'est un vieux mot du français, c'est le mot ordinateur. Et en fait, l'ordinateur, ça n'est pas autre chose au Moyen-Âge que l'évêque. C'est-à-dire cette espèce de super instance ecclésiastique qui ordonne toute une région, qui nomme les divers prêtres, etc., etc. Et selon vous, c'est un contresens d'avoir été chercher ce mot-là ? Parce que par exemple, juste je fais une parenthèse, mais Bruno Latour nous expliquait il y a un an et demi ici même qu'il y avait eu exactement la même chose avec le mot « digital ». puisqu'il a été refusé en France par l'Académie des sciences, qui a dit qu'il faut trouver un autre mot, et on a trouvé le mot numérique. Bon, et Bruno Latour nous rappelait, comme pour le mot computare, que le mot digital avait été emprunté par les Anglais aux Français, et que donc il aurait tout à fait pu utiliser digital, et que le mot numérique était plutôt un contresens, et en fait nous empêchait de penser tout un aspect de l'informatique, et notamment son aspect matériel. Est-ce que selon vous, il y a eu avec le choix de ce mot ordinateur, et un contresens aussi dans ce que c'était que l'ordinateur et dans ce que c'est que l'informatique? Oui, ça me paraît un énorme contresens, puisque, comme je dis dans le livre, le principe ordinateur suprême de la nature, c'est l'homme. Hein, c'est cette fameuse... Alors Foucault en parle d'ailleurs du principe ordinateur, mais c'est cette fameuse citation de Gasser que je mets en exergue de mon livre, pour expliquer finalement les deux tendances de la politique, c'est-à-dire que, il dit, l'existence des collectivités politiques, prenons-y bien garde, n'est concevable qu'en vertu de ce que nous nommerons un principe ordinateur. Or, tout bien considéré, il n'existe que deux principes ordinateurs fondamentaux, celui de subordination et celui de coordination, ou en d'autres termes, le principe d'administration impérative et celui d'administration autonome. Donc l'ordinateur, c'est-à-dire l'ordonnateur, hein, puisque c'est deux mots analogues à l'origine, c'est l'homme. C'est-à-dire c'est celui qui, face au flux vital qui lui est créateur de tous les possibles, part dans toutes les directions, va créer des filtres, des grilles, des instruments, des structures qui vont donner une certaine lecture du créel plutôt qu'une autre. Et cette lecture va finir par être une seconde nature. Donc, là, on rejoint toute la thématique de l'émission, c'est-à-dire qu'est-ce qu'être libre ? C'est être ordinateur, c'est participer à la création de l'ordre qu'on habite et qu'on utilise. Et donc, on voit bien que s'asseoir chaque jour devant les machines que l'on nomme nos ordinateurs, au pays de la liberté, ça paraît légèrement inquiétant ou symptomatique. Mais vous savez, Louise de Miranda, que vous ne gagnerez pas là-dessus. C'est pas parce que vous demandez vous et que vous écrivez computer au lieu d'ordinateur dans votre livre que tout à coup la France entière va se mettre, c'est dommage hein, peut-être, à utiliser ce mot de computer. Et donc il va falloir faire avec le mot d'ordinateur, je pense, hein, en tout cas en France. Hein. J'ai peut-être d'autres ambitions aussi que d'imposer le mot computer à toute la France. Non mais ça veut dire que si on en vient à la question de quels sont les outils de la libération possible, donc il y aurait peut-être changé ce mot, ça nous aiderait déjà à penser différemment. Mais alors, on a parlé tout à l'heure de la question du code, c'est-à-dire évidemment apprendre le code, se mettre les mains dans le cambouis. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre comme possibilité ? Bon, quelles sont les conditions d'une libération possible de ce rapport aux machines ? Donc, comprendre, effectivement, on l'a dit rapidement, qu'il n'y aura pas de symbiose entre l'homme et la machine. C'est au moins quelque chose qui n'est pas à craindre. Mais quelles sont les autres conditions ou d'autres conditions ? La sérendipité ? Est-ce qu'il faut aller chercher en philosophie ? Est-ce qu'il faut, vous l'avez dit un moment, L'art, le théâtre. Effectivement, l'art me paraît être une influence primordiale. C'est pour ça que j'ai essayé de construire mon livre, d'ailleurs, un peu comme on construit une œuvre d'art. Mais l'art dans les machines, c'est l'art qui va utiliser les machines, qui va les détourner, qui va... Alors, bon, l'art, déjà, l'art au sens large, c'est-à-dire un certain regard sur la vie qui essaye de produire du beau qui soit le plus fidèle à la vie possible. Donc vraiment l'art au sens large. Et ça passe aussi par l'artisanat, par exemple. Et donc, il n'y a pas d'art sans imagination, sans matériaux, sans architecture, donc structuration, mais pas aussi sans improvisation. Et là, évidemment, je dirais que ça impose de regarder diverses pratiques. Par exemple, vous parliez du théâtre. Et il y a un dramaturge que j'aime beaucoup qui s'appelle Augusto Boal, qui est un dramaturge brésilien et qui a commencé à faire du théâtre là-bas. Et là encore, on a une histoire qui est liée au totalitarisme, puisque dans les années 60, un régime très dur s'installe au Brésil. Et il est mis en prison, il est torturé, on l'empêche de faire du théâtre. Et donc, il invente le théâtre invisible. Ça consiste à aller dans des lieux, à surtout pas dire qu'on est des acteurs, à se disposer à divers points et à casser les routines. Par exemple, dans un restaurant de luxe, tout à coup, s'exclamer « mais il me faut 4 jours de travail pour payer ce menu ». Donc, l'ensemble des pratiques artistiques qui sont finalement des pratiques où la singularité, la volonté de produire quelque chose de différent et presque originel pourrait nous aider à garder une vigilance vis-à-vis des automatismes. Et est-ce qu'il y a utilisé ce que produit comme imaginaire le numérique, à savoir par exemple le jeu vidéo ? Pourquoi pas ? Comme toujours, chaque chose a un côté positif et un côté négatif. Par exemple, dans le jeu vidéo, c'est quoi le... Dans le jeu vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut finalement explorer, simuler des situations. Ce qui est un peu pernicieux, c'est d'une part, c'est que beaucoup de jeux contiennent déjà en eux-mêmes toutes les solutions possibles. Donc en cela, ils ne sont pas de parfaites simulations de la vie. Et d'autre part, ils contiennent en eux une idéologie du winner et du loser qui peut devenir inquiétante de la même façon lorsqu'on applique à la société. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, le capitalisme est tout à fait compatible avec une idéologie de la win et de la lose. Et d'où peut-être la gamification, comme on a souvent parlé ici, de plein d'autres phénomènes que simplement le jeu. Merci beaucoup, Louise de Miranda. J'invite les auditeurs à lire l'ensemble de votre travail, mais en particulier L'art d'être libre au temps des automates, qui est paru chez Max Milo l'an dernier. Il y a beaucoup d'autres choses dans ce livre dont on n'a pas eu le temps de discuter, mais toutes les références sont sur la page de Place de la Toile. Alors, bonne nouvelle, on reprend la Wiki Radio sous forme d'une série où l'on ira voir ce qui se passe à l'INRIA, l'Institut National de Recherche en Informatique et Automatique. Donc chaque semaine, on discutera avec un chercheur, une chercheuse de l'INRIA de son travail. Mercredi, à 10h, on recevra Thierry Viéville, qui travaille sur la question des neurosciences computationnelles. Alors, je vous rappelle que pour écouter cette émission, il suffira mercredi à 10h de vous rendre sur la page de Place de la Toile, d'actionner le player de la Wiki Radio, et vous pourrez non seulement écouter l'émission, mais vous pourrez aussi entrer dans la discussion, entrer dans le studio dématérialisé et discuter donc avec Thierry Viéville. C'est très facile, la procédure est très simple. Ce sera donc mercredi prochain à 10h. Dimanche prochain, dans l'émission hertzienne, on se demandera ce qu'est une culture geek. Alors, ce mot de geek est en base d'entrée dans le langage courant pour désigner le fondu d'informatique avec tout son folklore qui a été popularisé notamment par le cinéma. Les geeks savent comment ça se passe à l'intérieur de son ordinateur, contrairement à nous. Le geek joue jeux vidéo, il se nourrit mal, il s'habille avec ce qu'il trouve dans son armoire. Mais il y a peut-être autre chose chez le geek, un ensemble de savoirs, de références, de pratiques, de goûts, un langage, bref, une culture. C'est ce dont on discutera avec nos invités. Puis en deuxième partie de l'émission, on fera aussi une petite histoire de l'arobase, le caractère arobase popularisé lui par les adresses mail, mais dont l'histoire est plus complexe et plus tortueuse qu'on pourrait le croire. Y a-t-il une culture geek et petite histoire de l'arobase ? Ce sera donc dimanche prochain dans Place de la Toile. Place de la Toile, Thibaut Henton, Xavier Delaporte à la technique. Aujourd'hui, c'était Thomas Coudreuse et Mathieu Tourin, réalisation Jean-Christophe Francis. Dans quelques instants, Le Journal, puis Agnès Chauveau et Martin Kenen pour les retours du dimanche. Très bonne semaine à toutes et à tous.